Bel Nibigira. Alphonse Kubwimana assure la mise en onde de midi 55 à Bujumbura, 13h55 au bureau de l'ambassade du Burundi en Ouganda. Bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce 20 février, dont voici d'abord l'essentiel. Merci. On ne demande rien, sinon que le laisser passer pour pouvoir rentrer. Sinon, rentrer dans son pays natal est un droit. Ce n'est pas une négociation qu'on devrait faire parce qu'on ne négocie pas un droit, mais on négocie une faveur. Il s'agit de Jérémy Ngendakumana, ex-président du parti CNDD-FDD, qui de même que ses cinq compagnons réclament des facilités pour pouvoir rentrer de l'exil, expliquant qu'ils ont été bloqués le week-end dernier au niveau de l'ambassade burundaise à Kampala, vous l'entendrez. Naissance d'une nouvelle coalition de partis politiques depuis ce jeudi, il s'agit de Kira Burundi, qui annonce sa participation à tous les prochains scrutins. Vous aurez les précisions d'Aloïse Barichako qui parle au nom de la dite coalition. Et plus de 4000 cas d'abandon scolaire ont été enregistrés en province de Cibitoke le premier trimestre de cette année scolaire, avec la commune Mugina qui bat le record avec plus de 1300. Et vers la fin de ce journal, on va parler de la femme et aujourd'hui, on va vous parler du concubinage à Gasogwe en province de Muyinga. Voilà pour l'essentiel. La radio de l'avenir. Oh bonjour. Six acteurs politiques se trouvant en exil et demandent d'être facilités pour regagner leur pays natal comme préconisé par le gouvernement burundais. Jérémy Ngendakumana, un de ces politiques, avance qu'en fin de semaine dernière, l'ambassade du Burundi en Ouganda a refusé de délivrer les documents nécessaires à ces Burundais pour qu'ils puissent retourner au pays natal. Cet ancien président du parti CNDD-FDD rappelle que rentrer au Burundi est un droit pour tout Burundais. Suivez. Pendant longtemps, le gouvernement du Burundi a lancé un appel pour que toutes les personnes réfugiées ou autres personnes vivant à l'extérieur du Burundi puissent rentrer et contribuer aux élections qui sont prévues au mois de mai. Nous avons répondu à cet appel et nous avons pris l'avion à destination de Bujumbura. Nous sommes passés par Nairobi, par Kampala, pour demander un laissez-passer parce que nos passeports étaient périmés. Nous sommes donc présentés à l'ambassade, c'était jeudi le 13 février. On a rempli les formulaires de demande, on a même remis les photos. Et la secrétaire de l'ambassadeur a même préparé les documents pour signature. L'ambassadeur a pris le soin d'appeler Bujumbura pour demander des instructions. Après, il nous a laissé entendre que la réponse de Bujumbura tardait à venir et nous a proposé de rentrer à l'hôtel et de revenir le lendemain. Le lendemain, nous sommes allés à l'ambassade. Il n'y avait personne, malheureusement. Et la secrétaire nous a laissé entendre que les documents n'étaient pas prêts. Nous sommes rentrés à l'hôtel, mais juste après nous, il y a eu une affiche à l'ambassade qui nous interdisait l'accès désormais à l'ambassade. Alors, nous avons compris que le laissez-passer qu'on cherchait nous avait été refusé indirectement. Quelles sont les raisons qui vous ont été avancées pour ne pas accéder à l'ambassade du Burundi en Ouganda? Eux seuls connaissent les raisons. Seulement, nous avons constaté qu'il y avait une affiche qui nous interdisait l'accès au bâtiment de l'ambassade. Mais je dois préciser que c'est un droit légal à tout citoyen de pouvoir rentrer dans son pays natal. Vous vouliez revenir au Burundi pour se faire élire? Et naturellement, c'est un droit de citoyen de se faire élire et d'élire. Il suffit de remplir les conditions prévues par la loi. Est-ce que vous pouvez vous faire élire si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale? Là, c'est justement une confusion qui se passe dans certains esprits. Il faut faire la distinction entre la qualité d'électeur et un électeur. Qu'est-ce que vous demandez pour que vous puissiez revenir au Burundi? En principe, on ne demande rien, sinon que le laissez-passer pour pouvoir rentrer. Sinon, rentrer dans son pays natal est un droit. Ce n'est pas une négociation qu'on devrait faire parce qu'on ne négocie pas un droit, mais on négocie une faveur. Sur ce, la rédaction de la radio Isanganiro n'a pas encore réussi à avoir la réaction du ministère burundais des Relations extérieures que nous continuons de chercher. Naissance ce jeudi d'une coalition de quatre partis politiques qui déclare qu'elle va participer aux élections prévues au milieu de cette année. Aloïse Barichako, qui a parlé au nom de cette coalition dénommée Kira Burundi, dit qu'elle est ouverte à tous les partis politiques ainsi que les indépendants qui auraient la même vision politique sur un Burundi meilleur. Aloïse Barichako précise que cette coalition participera à toutes les élections, dès les collinaires jusqu'au présidentiel. Le point avec Fidèle d'Antoine Sabiman. allaient sortir du bureau du ministre pour formaliser l'existence de leur coalition de quatre partis politiques dénommés Kira Burundi. Aloïse Barichako a donné les motivations de cette coalition. Et nous allons alors participer aux élections état de la coalition Kira Burundi. Oui, jusqu'aujourd'hui, les partis qui ont déjà signé sur l'acte constitutif de la coalition sont au nombre de quatre. Il y a le parti CDP, RANAC, PAJD, le parti FEDES. Oui, nous avons décidé de participer en tant que coalition parce que vous savez que l'union fait la force. Selon Aloïse Barichako, la coalition Kira Burundi est prête à participer dans toutes les élections prévues. Sur la question de savoir celui qui représentera la coalition présidentielle prévue en mai de l'année en cours, Aloïse Barichako a répondu que le candidat est déjà connu, mais que ce n'est pas le moment de le dévoiler. Nous avons des hommes dignes, nous avons des hommes propres, nous avons des hommes qui peuvent représenter la coalition au présidentiel. Mais comme la coalition n'était pas encore née, il n'est pas encore temps. Maintenant que nous venons de déposer le dossier au ministère de l'Intérieur, attendez quelques jours, nous allons vous appeler pour vous communiquer le candidat de la coalition Kira Burundi. La coalition Kira Burundi devient le deuxième après la coalition COPA 2020, présidée par Jean de Dieu Moutabazi et qui est composée de 7 partis politiques. Fidèle, la monarchie constitutionnelle est l'une des solutions qu'on peut envisager pour faire face aux difficultés que traverse le Burundi. Propos d'Ildefonse Rugema, candidat indépendant au présidentiel de 2020 lors d'une conférence de presse animée ce mercredi, lors de la présentation de la motivation de sa candidature. Ildefonse appelle surtout des jeunes à suivre cette directive de la monarchie constitutionnelle car, dit-il, cette monarchie réconcilie les Burundais. Je propose de l'écouter. Vous savez qu'il fut un moment où notre pays était un pays de paix, où les Burundis vivaient dans la paix et dans l'harmonie tout en respectant un seul roi. Dans la période de la monarchie constitutionnelle, le roi est le gala de tout. Il est au-dessus des partis politiques, des provinces, des ethnies. Grosso modo, il est le père de la nation. Il est le vrai médiateur. Nous voulons alors lancer ce discours aux citoyens burundais à élire le gouvernement qui pourra stabiliser le pays pour que même les partis politiques travaillent tout en sachant qu'il y a une autorité à la tête de ces partis politiques, en expliquant cela aux jeunes, afin de comprendre que la monarchie constitutionnelle n'est pas du tout démodée, plutôt qu'il est son bon moment. S'il base des exemples comme la Belgique, source de la destitution de notre monarchie qui s'applique chez eux. Nous devons aller dans le sens du développement, éviter des quotas ethniques qui sont dans les lois, dans la constitution, afin que les Burundais vivent ensemble comme à la coutume. Ildefonse Rugema a été traduit en français par Isidore. Quatre militants du parti politique Sénel en commune Nyamurenza de la province Ngozi sont détenus au cachot du commissariat communal depuis près d'une semaine. Le représentant provincial de cette formation politique indique qu'ils sont victimes de leur participation au récent congrès de ce parti tenu à Bujumbura. De son côté, le commissaire communal de Nyamurenza, qui les a arrêtés, parle d'une réunion illégale. Apollinaire Mozakaja. Comme l'indique Jonas Nahimana, secrétaire provincial du parti CNL, l'arrestation de ces personnes a débuté la veille du congrès de cette formation politique. Parmi les quatre arrêtés, un a pris part à son rendez-vous, d'autres ont participé seulement, selon lui, à la préparation de la façon dont les congressistes de Nyamurenza arrivent à Bujumbura. Tous sont pour le moment au cachot du commissariat de police dans cette commune. Il y en a aussi 5 autres, d'après Jonas Nahimana, qui étaient admis au cachot de la police à Ngozi et qui ont été transférés hier mercredi à la prison. Ce responsable provincial indique que tous ces militants ne sont victimes que de l'organisation de son congrès, chose rejetée par le commissaire communal de la police à Nyamurenza, qui indique les avoir arrêtés en train de tenir une réunion illégale. Jonas Nahimana, représentant le CNL à Ngozi, parle plutôt d'intimidation à l'endroit de ses membres, qui prennent selon lui une grande ampleur dans cette commune, alors que toujours selon lui, des réunions visant la bonne cohabitation des partis politiques ne cessent de se tenir à l'échelle provinciale. Donc Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isangani. Vous n'avez pas Isanganilo? Vous ratez l'essentiel. À 13h04, poursuivons cette édition que vous pouvez suivre via le www.isanganilo.org. Environnement à présent. L'importation des sachets non biodégradables a diminué au Burundi, affirmation du ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage lors d'une conférence de presse de ce mercredi. de Ogide Rurema met en garde toute personne qui viole l'ordonnance fixant interdiction de l'importation et commercialisation des sachets non biodégradables que des sanctions sont prévues. Suivez-le. Ces propos ont été recueillis par Adrien Dimurukundo. Byamasashe biriko biraja ku murongo koko turiko turakurikirana ibiharuro hariya muri za Uber twe no tubibonera amasashe yinjira yaragabanutse cyane gose kandi bose bubarabize ibintu bavuga bya plastique byinjira n'ibijanye n'ibikoresho byo kwa muganga ibyo inyubako. Excusez-nous, l'élément demandé est en langue nationale, visiblement. Mais je disais que l'importation des sachets non biodégradables a diminué au Burundi, affirmation du ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage lors d'une conférence de presse de son mercredi. Déoguide Lulema met en garde toute personne qui viole l'ordonnance fixant interdiction de l'importation et commercialisation des sachets non biodégradables. Que des sanctions sont prévues, je vous propose de l'écouter. La question concernant les sachets est en train de trouver solution parce que les chiffres de l'Office burundais des recettes ont fait constater que le nombre de sachets importés a beaucoup diminué et tout le monde le connaît. Pour le moment, les matériels en plastique importés sont comme les matériels utilisés dans les domaines de la santé et de construction scolaire. Ceci, vous savez qu'ils ont droit d'entrer, mais nous entendons souvent qu'il y ait un commerce frauduleux où des personnes les font passer sur la frontière burundo-congolaise. Et sur cela, nous avons déjà averti l'Office burundais des recettes, les administratifs et les forces de la sécurité pour que toute personne passera outre la loi soit sanctionnée. Des informations nous disent qu'il n'y a plus de sachets fabriqués au Burundi. Il y avait des commerçants d'origine indienne qui les fabriquaient ici. Nous allons plutôt prioriser ceux qui fabriquent des objets qui vont remplacer les sachets. Pour les gens qui visitent souvent des boulangeries et les supermarchés, ils se remarquent des objets fabriqués en papier et d'autres objets différents des sachets. Il y a aussi des gens qui nous ont invités pour voir les nouveaux modèles de leurs objets. Nous allons faire une évaluation ensemble. Parlons droit des enfants. À présent, les associations œuvrant dans le secteur des jeux de hasard autorisant la participation des enfants de moins de 18 ans commettent une erreur. Kefani Bizi, directeur commercial au sein de la Loterie Nationale, RONA, réglementant ces associations indique que les enfants mineurs et les handicapés mentaux n'ont pas le droit d'accéder à ces jeux. Il interpelle ces associations à engager les agents de sécurité pour réguler ces jeux. Les détails avec Omer Ndouaïou. Les enfants qui jouent les jeux de Paris disent être frappés par leurs parents pour avoir participé à ces jeux. Néanmoins, ces enfants disent être satisfaits de l'argent gagné à travers les jeux de Paris, comme Nema appelé « jeux du hasard ». Les enfants rencontrés dans la localité de Gatunguru, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, dans une maison où on observe plus de 3 écrans leur permettant de jouer, indiquent que des fois, ils perdent de l'argent. Dans les mêmes librairies, les membres de famille de ces enfants s'étonnent dit pourquoi leurs enfants s'enthousiastent de ce jeu. L'un des parents rencontrés déplore que des fois son enfant lui vole de l'argent. Kefani Bizi, le directeur commercial de la Loterie Nationale chargé d'octroyer l'autorisation à ces maisons commerciales faisant les jeux de Paris, dit que la réglementation en cette matière interdit la participation à ces jeux par les mineurs et les handicapés mentaux. Du côté des associations de défense des droits de l'enfant, ils disent être au courant de cette situation. David Ninganza, le chef des projets à la SOGEPAE, invite en premier lieu les parents à suivre de près l'éducation et les activités de leurs enfants et fait un creux d'œil à ces maisons de Paris en ne pas mettre en avant l'argent qu'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Merci Omer. Plus de 4400 écoliers dans les 6 communes de la province Cibitoke ont abandonné l'école durant le premier trimestre de cette année scolaire. Des chiffres fournis par la direction provinciale de l'enseignement dans cette province selon toujours ces données. Les filles sont les plus nombreuses suite aux grossesses non désirées avec la commune Mugina qui comprend elle seule 1304 cas de filles ayant abandonné l'école. Alexis Dairagic. 4770 élèves ont quitté le banc de l'école dans les écoles fondamentales et post-fondamentales au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2019-2020 dans les 5 communes sur 6 communes de la province de Cibitoke. Ce sont les données de la Direction provinciale de l'éducation en province de Cibitoke. En commune Buganda, 304 filles ont abandonné les écoles sur 253 garçons. Mugina, 1304 filles, 1266 garçons. Ugombo, 354 filles, 326 garçons. Commune Bukinanyana, 561. Commune Mabaï, 392 sans distinction de filles et garçons. Selon ces rapports des directions communales de l'éducation, ces élèves abandonnent suite à la pauvreté, aux grossesses non désirées, au déménagement des parents et autres. Selon toujours ces rapports, les filles prennent le devant en abandonnant le banc de l'école. Le chargé de la collecte des données à la direction provinciale de l'éducation en Cibitoke indique que certaines filles sont mariées précocement. Au sein de la direction provinciale de l'éducation, on demande aux autorités administratives de sensibiliser les parents des enfants afin qu'ils n'interrompent pas leurs études. Depuis Cibitoke, Alexine Dairagije, Radio Isanganiro. Merci Alexine Dairagije, non loin de chez toi. Les élèves de l'école fondamentale de Chunzwe, en commune Rugazi de la province et Bubanda, ne suivent pas les cours comme d'habitude depuis trois jours. Leurs salles de classe ont été détruites par les pluies violentes, ainsi 14 élèves et leurs enseignants ont été grièvement blessés. À la direction communale de l'enseignement à Rugazil, on indique que les rapports sont déjà transmis au niveau des autorités hiérarchiques et que les élèves sont déjà déplacés dans les églises proches en attendant que leur salle de classe soit reconstruite. Correspondance de Spes Caritas Kawanyana. Les élèves de l'école fondamentale de Chunzwe en commune Rugazi ne suivent pas les cours depuis ce mardi. Leurs salles de classe ont été détruites par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la province de Bubanza. Un enseignant et 14 élèves ont été grièvement blessés sous les décombres des murs. Les cahiers, les livres et les bancs pupitres ont été endommagés selon les responsables scolaires contactés. À l'école fondamentale de Rugazi, deux élèves ont été également blessés par des tôles qui sont tombées sur leurs salles de classe selon les parents. À l'école fondamentale de Kanenga en commune Manda, cinq salles de classe ont été également endommagées. À la direction communale de l'enseignement de Rugazi, on indique que pas mal d'élèves, surtout de l'école fondamentale de Chunzwe, ne suivent pas les cours jusqu'à présent et certains ont été déplacés dans des églises proches en attendant que ces locaux soient reconstruits, selon Bandola Jérémy, directeur communal de l'enseignement, qui précise également qu'il a déjà transmis le rapport aux autorités hiérarchiques. Les rapports disponibles à la direction provinciale de l'enseignement à Bubanza montre que 16 élèves et un enseignant ont été grièvement blessés lors de ces pluies. 20 salles de classe ont été détruites en commune Manda et Rugazi. 234 tôles endommagées, 206 bancs pupitres cassés, des cahiers d'élèves et des livres détruits et 1144 élèves affectés. Space Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Space. 67 personnes ont été transférées à l'hôpital de Ngozi pour anémie l'année passée en 2019 suite à la rupture de sang. Ceci a été dit ce mercredi par le directeur de l'hôpital de Kirundo dans un atelier de sensibilisation sur le don du sang. Selon la même source, c'est l'insuffisance d'approvisionnement en produits sanguins pour l'année 2019 a coûté plus de 36 millions de francs burundais. Le directeur de l'hôpital de Kirundo demande une installation d'un poste de transfusion sanguine pour pallier à ce problème de rupture. Parlons femmes. Des habitants de la colline Bgasare en commune Gasorgwe de la province Muyinga disent qu'il y a des hommes qui pratiquent le concubinage. Par conséquent, ces habitants déplorent que la femme victime du concubinage mène une vie de misère car elle ne sera plus assistée par son mari. Fait confirmé par l'administrateur de la commune, Gasorgwe, Jean-Claude Barutkwanayo fait savoir que pour éradiquer le phénomène du concubinage, l'administration prodigue des conseils concernés, faute de quoi on procède aux sanctions. Les détails avec Vestine Boutoui. Sur la colline Bgassar et dans la commune Gasogwe en province Muyinga, il y a des gens qui affirment l'existence de certains hommes pratiquant le concubinage. Marie Salomé Kanziza est une des femmes de cette localité. Elle indique que le concubinage résulterait d'un comportement des maris ou bien de comment la femme accueille son dernier. Selon Daniel Habimana, riverain de la dite colline, le concubinage pourrait provenir de l'ivresse chez certains hommes. Des hommes ayant trop bu peuvent maltraiter leur femme suite à leur état d'ébriété. Certains hommes couchent avec des femmes qu'ils rencontrent dans les bistrots et par la suite, ces dernières donnent naissance aux enfants illégitimes. Quand le mari se livre dans la pratique du concubinage, sa femme en subira les conséquences, déplore Marie Salomé Kanziza en expliquant qu'elle ne sera plus assistée par son conjoint, ce qui la conduira à mener une vie de misère. Le concubinage apporte beaucoup de malheur à la première femme. Celle-ci n'est plus à la mode selon son mari. Elle peut manquer de savoir, de quoi nourrir ses enfants, car son mari ne s'intéresse plus à elle. Outre cette vie misérable, l'administrateur de la commune Gasogwe en même temps, psychologue Jean-Claude Barutwanayo signale que le concubinage peut provoquer des maladies mentales chez la femme victime de ce phénomène. Les conséquences sont nombreuses parce que ça peut même se développer jusqu'au traumatisme, jusqu'aux troubles psychologiques de la femme. Parmi les choses que les femmes n'aiment pas, c'est se partager un mari. La femme peut-être supporter la violence économique, mais cette forme de violence où elle va se sentir partagée à un mari avec une autre femme, vraiment c'est très touchant pour la femme. Jean-Claude Barutwanayo fait savoir que pour éradiquer le phénomène de concubinage au sein de sa commune, il y donne des conseils aux hommes connus comme pratiquants du concubinage et une fois que ces conseils restent sans effet, on procède aux sanctions. Merci Vestine Outo. Et ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Alphonse Kubimana qui l'a mise en onde. Excellent après-midi à tous. Au revoir. Eli Nibel, Nivigira.